Elles sont fortes et faibles, farouches ou faciles, fatales ou fontaines, fantasques et fragiles. Souvent victimes de ces histoires qui s'entrechoquent, sans même s'effleurer que tu parles et qui finissent en ventre en cloche. Car à l'approche de la trentaine, la vie d'un gosse leur titille des ovaires. Alors elles s'imaginent avec le moins pire de leur partenaire. Pendant ce temps, l'homme la poursuit jusqu'à ce qu'elle l'attrape. Coup de foudre, coup de foudre. Un roman écrit à quatre pattes, coupable d'être douce et aimante. Ce sont des fleurs capables d'être sèches et cassantes. Certaines mentent pour qu'on ne les comprenne pas, à moins que ce soit les hommes qui ne pensent qu'à ça. Elle s'appelle Rosa Parks, Lucie Aubrac et Elsa Triolet, et tant d'autres anonymes lançant la révolution de février. Respect à celles qui s'assument sans sourciller, qui ont fait leur intuition une arme autant que le bouclier. Y'a des flammes et du charme, des larmes, de la harme, un homme qui sommeille en chacun des bonhommes. Y'a des mamans, des maîtresses, des armes, des princesses, une mère qui sommeille en chacune des femmes. Y'a des flammes et du charme, des larmes, de la harme, un homme qui sommeille en chacun des bonhommes. Y'a des mamans, des maîtresses, des armes, des princesses, une mère qui sommeille en chacune des femmes. Je suis une femme sans être obtue ou fatale. Moi je devrais être soit une catin, soit une racaille. Dans mes textes, mes ex le payent. Ceux qui pensaient que je n'étais que le sexe faible. Eh, hey, faut que tu le reconnaisses. Je suis peut-être une meuf, mais j'ai les corollaires. Je suis une femme d'aujourd'hui avec ses forces et ses faiblesses. Une de celles qui s'assume d'aucune de plus que tu détestes. Déteste ou des beaux quartiers. Le cœur ouvert ne veut pas dire les jambes écartées. Non, y'a trop de célibatantes, car trop de célibataires. Indépendantes, on se bat pour être libre à part. Big up aux grandes sœurs qui m'ont donné ma grande gueule. Aux frères qui nous respectent, ceux au grand cœur. Le paradis se trouve au pied de nos mères. Elles font que ce monde ne tombe pas à l'envers. Y'a des flammes et du charme, des larmes, de la harme, un homme qui sommeille en chacun des bonhommes. Y'a des mamans, des maîtresses, des armes, des princesses, une mère qui sommeille en chacune des femmes. Y'a des flammes et du charme, des larmes, de la harme, un homme qui sommeille en chacun des bonhommes. Y'a des mamans, des maîtresses, des armes, des princesses, une mère qui sommeille en chacune des femmes. La tolérance, c'est trois mois et toute différence. C'est Agnès. Y'a celle qui s'est battue pour son droit de vote, et puis celui qui reste enfermé dans des droites normes. Y'a ces clichés à la con, tous ces paradoxes, et puis celui qui voit la femme suprême à travers Lara Croft. On parle de sa place dans le monde car elle le porte. On parle aussi de l'homme et sa manière de négliger sa part de honte, sans oublier toutes ces mères au foyer qui noyaient dans le chagrin, mettent chaque jour la part haute. Y'a du charme dans le verre, du drame dans l'air. Cette fable où le crapaud se transforme en prince et la garce en mère. Y'a ces dames de fer qui tâchent de faire de leur mieux pour s'ouvrir aux autres quand les visages se ferment. Juste une pensée pour ces prisonnières, celles qui se voient la face à défaut d'être visionnaires. Cette histoire est loin d'être un conte de fées. C'est une vision nette sur la femme et son intégrité. Y'a des flammes et du charme, des larmes, de la harme, un homme qui sommeille en chacun des bonhommes. Y'a des mamans, des maîtresses, des armes, des princesses, une mère qui sommeille en chacune. Y'a des flammes et du charme, des larmes, de la harme, un homme qui sommeille en chacun des bonhommes. Y'a des mamans, des maîtresses.